Yeah, I'm brava. ça, ça se peut pas. Déchirer qui l'a. Attendez ça. Petit Jean-Philippe qui va décapote à Paris. Réginal qui va décapote à Paris. Mais c'est Pasteur qui va décapote à Paris. Si Yotito qui va décapote à Paris. Mais c'est Chachan qui va décapote à Paris. Mais mesdames, y'a pas décapote. Attendez ça, Jean-Philippe qui m'a décapote, le Chinal qui m'a décapote, Panasik qui m'a décapote, Siyasito qui m'a décapote, Alain Laurent qui m'a décapote, M. Chachon qui m'a décapote, mais mesdames, vous m'a décapote. Regina. c'est Simon qui m'a décapote. Mais Jean-Philippe qui m'a décapote. Petit Émile qui m'a décapote. C'est Frédéric qui m'a décapote.